Monsieur X était pensif. Lui, d'habitude si prompt à engager la conversation, à distiller ses mystères, ses phrases énigmatiques, non. Ce jour-là, il semblait vouloir prendre son temps. Et puis soudain, alors que j'allais brancher mon magnétophone, il m'a lancé: Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des périodes où le cours de l'histoire semble brusquement s'accélérer? D'un seul coup, les événements se bousculent, les hommes s'agitent, les États s'affolent, des pays s'embrasent. Et longtemps après, lorsque le monde a recouvré son calme, on se dit qu'on est alors passé tout près de la catastrophe. Je lui ai naturellement demandé s'il pensait à une période particulière. Oui, m'a-t-il répondu. Il a commencé une longue, très longue histoire ponctuée de coups de théâtre, nourrie de suspense, émaillée de peurs et de frissons, de colère et d'émotions aussi. Une gigantesque partie de poker menteur où certains des joueurs sont venus s'asseoir à la table sans y avoir été invités. Et dans le but évident de rafler la mise, bien sûr. Alors, de quoi s'agit-il? Des événements de l'année 1956, de l'automne 56 en particulier. À l'Est, dans les démocraties populaires, les populations bougent, essaient de secouer le joug soviétique. Et ce sera bientôt la tragédie de Budapest. À l'Ouest, les grandes puissances poussent des cris d'orfraie après l'annonce par le colonel Nasser de la nationalisation du canal de Suez. Et ce sera quelques jours seulement après l'entrée des chars soviétiques dans la capitale hongroise, l'expédition franco-britannique de Suez. Pour Monsieur X, tous ces événements sont liés, et encore bien d'autres qui ont marqué cette terrible année 1956. Autant vous le dire tout de suite, les services secrets ont joué un rôle éminent au cours de ces événements. Les services français? Particulièrement, oui. Enfin, vous imaginez bien que les autres ne sont pas restés inertes. Et l'empoignade a été sévère, même si, naturellement, elle est restée silencieuse et donc ignorée de l'opinion publique. Ah, puis, il ne faut pas oublier que nous étions en pleine guerre froide. Mais c'est du point de vue français que je voudrais vous raconter cette histoire. Alors, je vous écoute. En 1956, notre problème, à nous, c'est la guerre d'Algérie. Bien sûr, et elle dure déjà depuis deux ans. Hein. Oui, depuis la Toussaint 54, et la guerre devient de plus en plus dure. À tel point que le gouvernement dirigé par le socialiste Guy Mollet décide de rappeler les soldats fraîchement libérés. Un rappel qui provoque beaucoup d'émotions en métropole. Et de nombreuses manifestations, principalement orchestrées par le Parti communiste. Pourtant, les communistes ne s'étaient pas opposés à l'envoi du contingent en Algérie. Hein, tout à fait juste. En tout cas, il s'avère que les opérations de pacification, comme on dit alors pudiquement, seront beaucoup plus difficiles et longues que les autorités ne l'avaient prévu. Mais dans le même temps, le gouvernement n'écarte pas la possibilité d'une négociation. Une négociation avec le FLN? Exactement. Si vous le permettez, j'y reviendrai, car c'est très important. Et les services vont jouer un rôle dans cette histoire. Mais c'est d'abord vers l'Égypte que les responsables du SDEC regardent. L'Égypte où le colonel Nasser s'est emparé du pouvoir. Oui, depuis 1954, Gamal Abdel Nasser, le Big Bashi, comment on l'appelle? Attends, Big Bashi, au fait, ça veut dire quoi? Lieutenant-colonel, tout simplement. Donc, depuis 1954, Nasser, après s'être débarrassé du général Naguib, qui avait contribué avec lui à chasser le roi Farouk, est devenu le numéro un du nouveau régime. Et peu à peu, il devient le champion du panarabisme, et même un leader d'importance parmi ceux qu'on appelle les non-alignés. Mais ce n'était pas pour cette raison que les services s'intéressent à lui. Alors, pour quelle raison? Nasser est le principal soutien des rebelles algériens. Non seulement il accueille leur organisation et leur offre l'hospitalité sur les ondes de sa radio, mais il apparaît qu'il leur apporte un soutien militaire de plus en plus important. De quelle façon exactement? En les armant. Ouais. Et très vite, pour le SDEC, le colonel Nasser devient une cible. Une cible? C'est-à-dire qu'on pense à l'éliminer? Oui, l'éliminer physiquement. Vous êtes sérieux là? Tout à fait. Et il y a eu effectivement des tentatives d'assassinat? Absolument. Alors, racontez-moi ça, alors. D'abord, nous avons utilisé les ennemis les plus déterminés de Nasser, les frères musulmans. Des intégristes, hein, des islamistes, comme on dirait aujourd'hui. Oui, et qui avaient, dès 1954, essayé d'assassiner le Big Bashi. Donc, il était tentant de se servir d'eux, puisqu'ils étaient bien implantés dans le pays, malgré la répression qui s'était abattue sur eux. Mais les services avaient aussi un joker encore plus intéressant. Qui c'est, celui-là? Un officier égyptien très proche de Gamal Abdel Nasser. Un informateur? Oui. Et vous verrez qu'il jouera ultérieurement un rôle très intéressant. Mais cet homme approchait quotidiennement le Reis, comme on l'appelait désormais, c'est-à-dire le chef suprême. Par conséquent, il lui était possible d'agir directement. De tuer lui-même Nasser? Bien sûr. Quel était le plan prévu, alors ? Le service avait préparé un poison, mais un poison qui avait un grave défaut. C'est-à-dire quel défaut ? Il devait être versé dans une boisson chaude et très sucrée. Pourquoi ? Il avait un goût amer ? C'est cela, oui. Et dans le café, par exemple, il risquait de ne pas passer inaperçu. Mmh. J'imagine comme la plupart des Égyptiens, Nasser buvait surtout du café. Oui, il aurait fallu, pour que la tentative réussisse, que le poison soit versé dans du cacao, par exemple. Malheureusement, le Reis ne buvait pas de cacao. Et la tentative d'empoisonnement en est restée là. À quoi ça tient, n'est-ce pas? Très peu de choses. Ouais. Mais ce n'était pas la première fois que le SDEC pensait utiliser le poison. Vous-même, vous avez raconté l'empoisonnement d'un leader africain. Félix Mounier, oui. Ouais. Empoisonné au thallium. Oui, c'est ça. Nous avions des chercheurs assez pointus, assez imaginatifs. Dans d'autres cas, les hommes du service action ont utilisé des mini-sarbacanes qui tiraient des flèches empoisonnées. C'est du James Bond, ça. À peu près, oui. Mais les morts étaient alors de vraies morts et pas des morts de cinéma. En tout cas, pour Nasser, hein, le SDEC a échoué. Et il ne cessera d'échouer. Parce qu'il y aura d'autres tentatives. Naturellement, quand un service secret a une cible de cette importance, il ne renonce pas facilement. Oui, mais comment expliquez-vous alors tous ces échecs ? Nasser avait une très bonne police et des services de renseignement efficaces. Et peu à peu, il a réussi à éliminer les agents que nous avions pu recruter en Égypte. Mmh. Il en était de même pour les agents des autres services occidentaux. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que lorsqu'il va se rapprocher de Moscou, le KGB va lui donner un sérieux coup de main. Et cet officier alors, proche de Nasser dont vous avez parlé, il est... Et celui-là, autant que je le sache, a réussi à passer au travers des mailles du filet. Et je vous l'ai dit, il va bientôt nous rendre un très grand service. Mmh. Autre question avant d'y venir. J'imagine que le SDEC n'a pas pris tout seul l'initiative de liquider Nasser. Bien sûr, même si dans ces années-là, les chefs du SDEC n'ont pas toujours rendu compte au pouvoir politique ou l'ont souvent placé devant le fait accompli. Bon, en l'occurrence, la décision de tuer Nasser a été prise au niveau gouvernemental. Mmh. À cause du soutien qu'il a apporté au FLN. Oui, tout à fait. Mmh. Alors, revenons à cet officier-là. Quelle aide vous a apporté cet Égyptien ? Ben, je vais vous le dire, c'est promis. Mais en attendant, il faut revenir un petit peu en arrière, si vous voulez bien. Mm-hmm. Le 26 juillet 1956, si ma mémoire est bonne, Nasser décide la nationalisation du canal de Suez. Et c'est une énorme surprise. Mm. Rappelez-moi, comment justifie-t-il cette nationalisation ? Nasser a alors un projet pharaonique. Pourrait-on dire, sans faire de genoux. Oui, ça c'est le barrage d'Assouan. Hein. Oui, ouais. Un barrage colossal qui devrait barrer la vallée du Nil à hauteur d'Assouan et dont l'eau pourrait irriguer des centaines de milliers d'hectares arrachés au désert, sans compter les ressources électriques. Et c'est plus qu'un rêve pour cet homme qui est originaire d'une famille très modeste. Mieux que d'autres, il connaît parfaitement la misère des paysans égyptiens et il sait que ce barrage est une chance pour eux. Une chance pour son pays de sortir du sous-développement. Oui, mais avec les contreparties qu'on connaît aujourd'hui, hein, c'est-à-dire la retenue de tous ces limons qui fertilisaient autrefois la vallée du Nil. Oui, vous avez raison. Mais à l'époque, on ne pense pas à cela. On imagine surtout les fantastiques bienfaits que ce barrage apporterait à l'Égypte. Mais il y a le coût énorme. Des centaines de millions de dollars. Il est clair que l'Égypte est incapable de financer toute seule la construction d'un tel ouvrage. Il faut donc trouver de l'argent à l'étranger. Bien sûr. Et Nasser se tourne vers l'Occident. Avant même de penser au camp soviétique ? Oui, c'est une décision assez courageuse. Pourquoi courageuse ? Parce que dans la classe politique égyptienne, on n'est pas franchement favorable aux Occidentaux, assimilés à des impérialistes et des colonisateurs. Mais Nasser ne cède pas. Et il fait principalement appel aux États-Unis afin d'obtenir un prêt. Mais Washington va opposer un refus cinglant à Nasser. Et du même coup, les Américains vont ouvrir une crise très grave. C'est le journaliste Bernard Violet qui racontera le premier la tentative d'empoisonnement de Nasser par le SDEC dans un numéro de la revue Historia. Il y révèle même le nom de l'homme du SDEC qui a préparé l'opération, un certain colonel Tristan Richard, décédé en 1992. Les tentatives d'assassiner Nasser se poursuivront bien après cette année 1956 dont nous parlons aujourd'hui avec M. X. C'est ce qu'affirment Roger Faligo et Pascal Krop, auteurs d'une histoire de nos services secrets, La Piscine. Je les cite. Toutefois, jusqu'à la fin 1957, lorsque le général Grossin en prendra la tête, le SDEC renouvelle sans désemparer ses opérations contre Nasser. Oui, il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat visant le Raïs, en liaison avec d'autres pays, notamment avec la complicité des frères musulmans, se souvient l'un des responsables du service action. En 1957, l'une d'entre elles a été exclusivement réalisée par les Français. Deux agents furent déposés par bateau, munis d'une bombe, mais le chef de mission s'est rendu compte qu'ils étaient suivis, autant dire qu'ils ont dû renoncer. et serrés de trop près, ils ne savaient plus comment se débarrasser de leur explosif. À noter enfin qu'en 1960, le journal égyptien Al-Aham fera état d'une tentative d'empoisonnement du Raïs. Un Grec, chargé de préparer les banquets présidentiels, aurait versé du poison dans des gâteaux destinés à Nasser. D'après les Égyptiens, les services israéliens auraient été à l'initiative de cette tentative d'assassinat. Comment s'explique ce refus des États-Unis de participer au financement du barrage d'Assouan ? Mais il faut d'abord dire que la demande de prêt a été adressée à la Baird, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Une banque où les trois occidentaux, États-Unis, Grande-Bretagne et France, mènent le jeu. Or, ces deux derniers pays sont plutôt hostiles à l'Égypte. Oui, la France, à cause de l'aide que Nasser apporte au FLN algérien. Oui, et la Grande-Bretagne, l'ancien colonisateur, parce que le nationaliste Nasser s'oppose à ses intérêts en Jordanie, surtout dans le Golfe Persique. Les États-Unis avaient quand même les moyens de passer outre à ces deux oppositions. Très certainement. Mais en Amérique, il existait un puissant lobby des producteurs de coton. Un lobby qui voyait d'un très mauvais œil l'Égypte devenir un concurrent commercial grâce à l'irrigation des terres. Puis il y a une troisième raison, sans doute la plus importante. À laquelle ? Bien que Nasser s'adresse à l'Occident pour construire son barrage, il a de fait commencé à flirter avec l'URSS. De quelle façon ? D'abord en achetant des armes à l'Est, en Tchécoslovaquie. Puis en multipliant les contacts avec les Soviétiques. Et lorsqu'il a fait sa demande de prêt, les Américains lui ont très clairement fait savoir qu'il lui fallait d'abord cesser de faire les yeux doux à Moscou. Mmh. Moscou qui a déjà fait savoir que l'URSS était prête à venir en aide à l'Égypte. Mmh. Financièrement ? Oui. Alors l'attitude américaine s'apparente à une sorte de chantage, non ? On peut voir les choses comme ça. En fait, Washington a tenté un coup de poker pour obtenir le ralliement du Reich au camp occidental. Mais Nasser n'a pas fléchi. Et quand les Américains ont officiellement refusé le prêt en arguant de la situation instable de l'économie égyptienne, Nasser a pris ça comme une gifle et il a immédiatement réagi. Oui, en nationalisant le canal de Suez. Exactement. Une nationalisation symbolique et économique. Car en percevant des droits de passage des cargos qui empruntaient le canal, Nasser pouvait espérer financer une partie de la construction de son barrage. Ouais, une petite partie, hein, parce que ce sont surtout les Russes, hein, qui vont le financer. Mais oui, c'était inévitable. C'est en fait Washington qui a indirectement précipité Nasser dans les bras des Soviétiques. Je me souviens qu'à l'époque, les puissances occidentales ont réagi de façon très très violente à l'annonce de cette nationalisation. C'est vrai, vous avez raison, surtout la Grande-Bretagne et la France, parce que c'était des Français et des Anglais qui avaient la haute main sur les destinées de la compagnie du canal de Suez. Et les deux pays ont crié à la spoliation. Des hommes politiques habituellement modérés des deux côtés du Channel ont même comparé Nasser à un nouveau Hitler, c'est dire. Puis il y avait aussi des intérêts économiques en jeu. Naturellement, le canal de Suez était indispensable pour l'approvisionnement en pétrole des deux pays. Mais est-ce que si les pétroliers en provenance du Golfe n'empruntaient pas le canal, ils devaient faire le grand tour de l'Afrique? C'est exact. C'est pourquoi Français et Britanniques ont aussitôt parlé d'un coup de force inacceptable. Et juridiquement, quel était le problème? La compagnie du canal de Suez disposait d'une concession jusqu'en 1968. Ouais, mais l'Égypte, pays souverain, avait bien le droit de nationaliser, à condition de dédommager les actionnaires. Ouais, mais enfin, ça, c'était une autre affaire. Ah bon? Nasser n'entendait pas des choses ainsi. Pour lui, le canal était la propriété du peuple égyptien. Et d'une certaine façon, il entendait montrer la voie à tous les autres pays du tiers-monde dont les richesses étaient exploitées par des sociétés capitalistes étrangères. Dans ce sens que la nationalisation était symbolique. J'imagine que sur le plan intérieur, Gamal Abdel Nasser a dû y gagner une formidable popularité. Bien évidemment, l'Égypte tout entière a applaudi. C'était des centaines d'années d'humiliation, d'occupation par des puissances étrangères qui étaient soudain effacées. Nasser devenait un nouveau pharaon. Un pharaon, ouais. Est-ce que les Français et les Anglais ont immédiatement décidé de réagir par la force? Assez vite. Les états-majors s'y sont préparés. Politiquement, ça a été bien différent. Malgré les rodomontades et les insultes dont on a accablé le Reis. Pourquoi Parce que les intérêts de la France et de la Grande-Bretagne n'étaient pas les mêmes. Expliquez. Les Anglais, d'abord. Ils étaient bien sûr très attachés à la libre circulation sur le canal, mais d'un autre côté, ils ne voulaient pas compromettre les liens privilégiés qu'ils entretenaient avec le monde arabe. Des liens qui étaient encore bien souvent des liens de suggestion. Suggestion, c'est-à-dire ? Eh bien, en Irak, par exemple, sa principale source de pétrole, la Grande-Bretagne, faisait encore la pluie et le beau temps. En Jordanie également, malgré l'expulsion du célèbre Glob Pacha, les Britanniques avaient gardé toute leur influence. Par conséquent, ils n'étaient pas très chauds pour intervenir militairement en Égypte. Vous avez parfaitement compris. Et la France, hein ? La France, comme la Grande-Bretagne voulait préserver la circulation sur le canal. Mais notre pays n'avait pas d'attache particulière avec les pays arabes, à l'exception du Liban. Mais surtout, nous avions un objectif primordial. Nous voulions abattre Nasser, nous débarrasser de lui. Et une expédition militaire en Égypte nous fournirait peut-être le moyen d'en finir avec ce petit Hitler, comme on l'écrivait tous les jours dans la presse. C'est-à-dire qu'on réussirait là où les services secrets avaient échoué. D'une certaine façon, oui. Et encore une fois, c'était la question de l'Algérie qui omnubilait le gouvernement français. Guy Mollet, en particulier, était persuadé que si Nasser était éliminé, ou même simplement chassé du pouvoir, la question algérienne prendrait une toute autre tournure. Parce que les dirigeants du FLN perdraient leur principal allié. Oui, par là même, il serait plus facile de négocier avec eux, parce qu'ils seraient moins intransigeants. Dans cette gigantesque partie, là, il me semble que vous omettez de parler... d'Israël. Pas du tout, je vais y venir. Nous, les Français, nous entretenions des liens privilégiés avec l'État hébreu. Par contre, les Anglais se méfiaient des Israéliens et pour dire les choses franchement, ils leur étaient même carrément hostiles. À cause de leurs alliances arabes ? Et aussi parce que les Britanniques avaient du mal à oublier que l'indépendance israélienne s'était faite contre eux. Mmh. Et d'une façon sanglante, puisque les terroristes juifs de l'Irgun avaient frappé très fort pour les obliger à quitter la Palestine. Mais il est évident que dans cette crise, la question israélienne était omniprésente. Parce que Nasser, on le savait, tenterait un jour ou l'autre de s'attaquer à Israël. Et nous, les Français, nous ne pourrions pas rester indifférents. Ouais, tandis que les Anglais, eux, s'en moquaient un peu. Hein. C'est cela, oui. Mmh. Tout cela augurait donc très mal d'une alliance franche et chaleureuse entre la France et la Grande-Bretagne dans cette affaire. Oui, et pour y parvenir à de nombreuses reprises, les Français devront incontestablement forcer la main des Anglais. Mais on ne peut pas réellement compter sur un allié qui va au combat à coups de pied dans le derrière, et la France le paiera très cher. Vous pensez que c'est l'une des explications de l'échec de l'expédition de Suez ? Incontestablement, enfin n'allons pas trop vite. Ouais. Et les Américains, leur point de vue alors ? Pour eux, le canal de Suez était très très loin. Ouais. Il n'avait aucune importance économique. En conséquence, les États-Unis n'étaient nullement prêts à soutenir une éventuelle intervention militaire franco-anglaise. Oui, mais les trois pays appartenaient quand même à la même alliance militaire, l'OTAN. Bien sûr, mais au mieux la France et la Grande-Bretagne, si elles se décidaient à intervenir, pouvaient tout juste compter sur une neutralité bienveillante des États-Unis. Mais pas plus. Il ne faut pas oublier que le président Eisenhower était candidat à sa propre succession. Ouais, et hein. En cette année électorale, il n'avait pas très envie de se mêler d'une affaire aussi risquée et aussi compliquée. D'autant qu'elle pouvait lui attirer une riposte soviétique. Exactement, oui. Et dans le cadre d'une menace de l'URSS, il lui aurait été impossible de ne pas faire bénéficier Londres et Paris du bouclier nucléaire. Ouais. Donc, il ne voulait pas se mouiller, pour parler vulgairement. Hein. Tout à fait, oui. Même si les choses sont un peu plus compliquées. Que voulez-vous dire ? Eh bien, disons-le de façon abrupte. Certains aux États-Unis ne devaient certainement pas être mécontents de nous voir nous embourber dans cette affaire du canal. Nasser Hitler. Monsieur X l'a dit, de nombreux hommes politiques ont osé la comparaison en cette année 56. Et les mêmes n'ont pas hésité à faire une comparaison entre les événements qui ont précédé le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale et la nationalisation du canal de Suez. Si les puissances occidentales n'avaient pas fait preuve d'une faiblesse coupable, Hitler aurait échoué. Alors, plus jamais de Munich, il faut abattre le dictateur égyptien avant que le Moyen-Orient tout entier ne s'embrase, et de rappeler que Nasser, avant-guerre, a appartenu à un parti de type fasciste, les chemises bleues. Alors Nasser était-il vraiment un Hitler en puissance ? Je laisse la parole à un journaliste qui l'a très bien connu, Jean Lacouture. Voici ce qu'il écrit dans un livre intitulé « Mes héros et nos monstres ». Je le cite. L'organisation créée par lui en 1953 pour muscler son pouvoir, le Rassemblement de la Libération, Hayat al-Tahrir, n'était guère plus fasciste que le RPF de Charles de Gaulle. Et le régime, ni noir, ni rouge, ni brun, était surtout kaki, couleur des uniformes. Mais les services secrets, Moabarat, surpuissants, des procédures fort peu démocratiques, des élections truquées, une presse brutalement contrôlée, faisaient vivre l'Égypte hors des normes démocratiques. Et l'idéologie panarabe qui inspirait sa diplomatie était grosse de conflits et de violences, ne serait-ce qu'à l'égard d'Israël. Régime totalitaire, non, mais imprégné d'un socialisme autoritaire qui ne pouvait manquer de conduire à des affrontements redoutables. Revenons à votre dernière affirmation. Aux États-Unis, qui avait intérêt à nous voir nous embourber dans cette affaire ? Tous ceux qui gagnaient notre place. Ouais, c'est-à-dire ? Il y avait là-bas des spécialistes de l'anticolonialisme. Il ne l'était pas par bonté d'âme, non. Il désirait simplement que les anciennes puissances coloniales laissent la place. Vous commencez à comprendre ? Mmh. J'ajoute que les mêmes étaient très liés au lobby arabo-pétrolier. Ils avaient donc de très bonnes raisons d'encourager le panarabisme d'un Nasser pour préserver leurs intérêts au Proche et Moyen-Orient. Mmh. Peut-être même la rébellion algérienne ? Bien entendu. Mmh. Et le président Eisenhower dans tout ça ? Lui ? Bah, tout à son élection, il se présentait dorénavant comme l'apôtre de la paix, le chantre de la non-violence. Mais en réalité, il ne pouvait pas ignorer le jeu souterrain de ses lobbies. En tout cas, vous le voyez, l'affaire nous ramène tout naturellement à l'Algérie. L'Algérie qui était l'obsession du gouvernement de Guimollet. Si je comprends bien, en voulant intervenir en Égypte, dans une certaine mesure, c'était la guerre d'Algérie, on continuait. Tout à fait, mais tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde. Au sein du gouvernement français, vous dites ? Et aussi dans l'opinion. Il y avait les tièdes. Des durs, des va-t-en-guerre et des gens plus raisonnables. Alors, pour faire monter la pression aux SDEC, on a donné opportunément un petit coup de pouce au destin. Racontez. Vous vous souvenez de cet officier égyptien dont je vous ai parlé ? Oui, celui qui devait empoisonner Nasser. Hein. Oui, les services n'ont jamais perdu le contact avec lui. Et son officier traitant lui a en particulier donné pour mission de surveiller tout particulièrement l'aide matérielle que Nasser fournissait au FLN. Oui, des livraisons d'armes surtout. Évidemment. Comprenez, il était essentiel de mettre en lumière cette aide, d'en donner des preuves. Oui, afin de... justifier une intervention militaire en Égypte. Et de convaincre les plus réticents. Alors soudain, début octobre, je crois, cet officier égyptien fait savoir qu'il dispose d'une information de premier ordre. Mais contre la livraison de ce tuyau, il veut de l'argent. Beaucoup d'argent. Combien ? Bah, écoutez, je ne sais plus, mais enfin, je me souviens qu'il y en avait pour des dizaines de millions. Ouais, ce qui signifiait que son information était vraiment très intéressante. Oui, il s'agissait de livraison d'armes aux rebelles algériens. Mais l'homme, qui était particulièrement vénal, ne voulait rien dire avant d'avoir vu la couleur de l'argent. Toutefois, une telle somme ne se trouve pas aisément. Ouais, et les fonds secrets, alors ? Les fonds secrets, oui, mais enfin, pour débloquer une somme de cette importance, il faut un feu vert ministériel. Bah, à cette époque-là, le gouvernement avait plutôt tendance à serrer les cordons de la bourse, et le SDEC faisait souvent figure de parent pauvre. Alors, comment faire ? Eh bien, le patron du SDEC va voir le ministre qui est le plus susceptible de l'entendre, Robert Lacoste. Ouais, qui est alors, je crois, le ministre résident en Algérie. Hein. Oui, et Lacoste, bien que socialiste, fait partie de l'aile dure du gouvernement. Il est à la fois partisan d'une guerre à outrance contre les FLN et d'une intervention contre Nasser. Par conséquent, le SDEC trouve chez lui une oreille attentive. Et Lacoste prend sur lui de débloquer l'argent. Cet argent, enfin, je pense, doit transiter par un compte à l'étranger. Naturellement, il n'était pas question de payer cet informateur en Égypte. Et lorsque cet informateur a eu la certitude qu'il allait être payé, il a parlé ? Bien sûr. Alors que révèle-t-il ? Mais il informe les services que dans le port d'Alexandrie, des militaires égyptiens vont charger des caisses d'armes sur un ancien dragueur de mines, Latos, appartenant à un armateur soudanais. Et il y en a une quantité considérable, plus de 120 tonnes. Toutes ces armes étaient destinées au FLN ? Selon toute vraisemblance, oui. D'ailleurs, parmi les membres de l'équipage de Latos, il y a des Algériens, donc c'est clair. Et l'on sait où ce bateau doit décharger sa cargaison ? Oui, les informations de l'officier égyptien sont extraordinairement précises. Latos doit se diriger vers un port de l'ancien Maroc espagnol près de Nador, c'est-à-dire très près de la frontière algérienne. Là, les armes seront déchargées sous l'œil bienveillant des autorités marocaines, mais l'important n'est pas là. Ce qui compte, c'est que ce bateau va devoir passer au large de l'Algérie. Oui, mais pas dans les eaux territoriales. Naturellement, mais enfin, peu importe. Le SDEC est décidé à agir, même au mépris des lois internationales, dont l'affaire semble d'importance, car la collusion de Nasser avec les rebelles algériens sera définitivement prouvée. Oui. Et ça donnera des arguments supplémentaires à tous ceux qui désirent en découdre militairement avec le dictateur égyptien. Et comment ça se passe ? Oh, le plus simplement du monde. Grâce aux informations très précises de l'espion égyptien, il est relativement facile de pister Latos. Et lorsque le bateau passe au large d'Alger, un bâtiment de la marine nationale l'arraisonne. Et il n'y a pas eu de riposte ? Non, l'affaire a été vite réglée. Et l'armateur soudanais qui se trouvait à bord n'a même pas eu le temps d'actionner le dispositif de destruction du bateau. Une parenthèse. Alors que s'ouvre le procès de l'équipage de Latos, en juin 57, devant le tribunal permanent des forces armées, le Figaro détaille la cargaison du bateau. C'est impressionnant. Écoutez, dans les soutes, il y avait 12 mortiers de 81, 50 mortiers canadiens de 60, 75 mitrailleuses antiaériennes, dont 50 FM anglais, dont l'un de type récent, qui n'avait pas encore été livré aux forces de l'OTAN. 600 mitraillettes italiennes Beretta et anglaises Sten, plus 2000 fusils de guerre anglais, belges ou allemands, 2000 grenades quadrillées anglaises, 100 chargeurs anti-chars, 1000 caisses de munitions représentant 600 000 coups, 6 postes de radio récepteurs émetteurs, le tout pesant 120 tonnes et représentant une valeur de 400 millions de francs. La cargaison a donc été saisie, mais et l'équipage ? Tous les hommes ont été arrêtés. Ils ont été jugés un petit peu plus tard. Ouais, pourtant, le raisonnement a eu lieu dans les eaux internationales. Non, ça, je suis d'accord. Mais enfin, le tribunal militaire n'en a pas tenu compte. Ah bon. Et certains des marins et l'armateur, bien sûr, ont été lourdement condamnés. Enfin, l'important, c'est que dès leur arrestation, le capitaine et l'armateur soudanais avaient reconnu que la cargaison d'armes avait bien été chargée à Alexandrie. Et donc, Nasser pouvait être mis en cause. Et c'était le point principal pour les instigateurs de cette opération. De la même façon, ils ont pu démontrer assez aisément que cet armateur soudanais n'était qu'un fauné. En réalité, le véritable propriétaire de ce bateau, c'était l'État égyptien. Hmm. Mais quand vous parlez des instigateurs, là, vous voulez dire des gens du SDEC ? Ben, le SDEC et Robert Lacoste, oui. Ouais. Au fond, c'est un raisonnement, même s'il avait été effectué de façon parfaitement illégale, ne pouvait que réjouir le gouvernement de Guy Mollec qui voulait à tout prix attaquer Nasser. Vous avez raison, même si l'affaire a été traitée hors hiérarchie, si je puis dire. C'est-à-dire en court-circuitant les autorités gouvernementales. Exactement, et bientôt, un peu plus d'une semaine après l'arraisonnement de Latos, les mêmes hommes vont récidiver et mettre une nouvelle fois le gouvernement devant le fait accompli. Et l'affaire sera encore beaucoup plus grave. Exceptionnellement, je vous propose d'écouter la suite de cet enregistrement la semaine prochaine. Dans une interview à la revue L'Histoire, la grande historienne de la 4e République, Georgette Elget, analyse l'attitude de Guy Mollet au moment de cette crise de 1956. Voici ce qu'elle affirme. Pour lui, Nasser est un nouvel Hitler attaché à sa proie, la destruction du peuple juif. Il a ressenti un choc à la lecture du livre publié par l'Égyptien au moment de son accession au pouvoir, La philosophie de la révolution. Il voit dans cet ouvrage un nouveau Mein Kampf. Il le dit à Anthony Eden, dès mars 1956, toute la politique de Nasser est contenue dans ce livre, comme celle d'Hitler l'était dans Mein Kampf. Laisser agir Nasser, ce serait recommencer l'erreur fatale des démocraties devant Hitler, l'abattre est donc un devoir. Il faut aussi sauver Israël, cette démocratie socialiste, ce symbole. Guy Mollet, comme de nombreux socialistes, espère qu'Israël va réussir là où Moscou a échoué en 1917, en édifiant la société socialiste égalitaire et libre, le rêve de toujours. Mais, M. X l'a dit, il ne faut jamais oublier la question algérienne. Christian Pinault, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères de Guy Mollet, le reconnaît sans embâche, dans un livre consacré à la crise de Suez. Il affirme que les principaux ministres, et donc Guy Mollet lui-même, mais un degré moindre, étaient convaincus que la chute de Nasser mettrait automatiquement fin à la guerre d'Algérie.